23e chapitre. La rencontre. Une fois ce moment de colère passé, la fontenelle, ayant fait sentir fortement l'éperon à son cheval, prit le galop. Aussitôt qu'Iliac s'empressa d'imprimer la même allure au sien et de suivre son capitaine. Les deux cavaliers venaient alors de sortir de l'allée couverte, dans laquelle ils n'avaient pu avancer que très lentement à cause de l'inégalité du terrain et des mares d'eau qui, à chaque instant, arrêtaient leur marche. Ils se trouvaient dans une vaste plaine plantée de distance en distance de quelques rares genêts. Dans le lointain, au milieu d'un carrefour, on apercevait une grande croix de granit toute chargée de saints et non loin de là la naissance d'une superbe avenue qui semblait devoir mener à quelque demeure seigneuriale. C'était en effet à l'extrémité de cette belle plantation que s'élevait le château de Beaumanoir. En approchant du manoir de son frère, la fontenelle, tout émue, remit son cheval au pas et se détourna pour voir si Kiliac était encore près de lui. Mais l'hôtelier, qui n'avait cessé de galoper, le rejoignait en ce moment même. « Eh bien, Kiliac, lui demanda-t-il, commences-tu à te reconnaître ici ?»« Oh, parfaitement, capitaine. Voilà là-bas la grande allée de chêne où, le dimanche, nous nous amusions à tirer de l'arquebuse, et je me le rappelle fort bien. » C'était toujours vous qui atteigniez le but, comme aussi, malgré votre jeune âge, vous étiez également vainqueur à la lutte, au grand étonnement des vassaux de Beaumanoir. Et si je ne me trompe, c'était dans cet épais taillis qui est devant nous que vos compagnons et moi nous nous cachions pour vous attendre quand nous avions en tête quelques courses lointaines ou quelques secrètes expéditions. Et tu ne saurais croire quelles recommandations me faisait mon frère. Pendant que je me rendais à une partie de chasse avec les gentilshommes des environs, il m'exhortait à la prudence, craignant pour moi un fâcheux accident. Il me semble entendre sa voix comme si c'était hier encore. Mais alors j'étais incapable d'apprécier sa tendre sollicitude pour moi. Je ne songeais qu'aux aventures périlleuses et aux pillages. Depuis, j'ai réfléchi et j'ai compris l'amitié plus que fraternelle du baron. Kiliac écoutait avec attention ces paroles sans trop s'en étonner, parce qu'il connaissait l'affection réciproque qui avait toujours existé entre les deux frères. Bien des fois, il se rappelait avoir vu la fontenelle, malgré son endurcissement, donner des marques de sensibilité lorsque sa pensée se reportait sur Amaury. Tout à coup, comme il ne se trouvait plus qu'à une petite distance de l'avenue du château, ils entendirent les sons rustiques et criards du hautbois et du biniou. Comme ce jour-là n'était point un dimanche, ni une fête gardée de quelques saints de Bretagne, cette musique eut lieu de surprendre nos voyageurs, qui se demandèrent ce que ce pouvait être. En entrant dans l'avenue, ils aperçurent au milieu de l'allée plusieurs groupes de paysans qui dansaient en cadence, et plus loin, des tables autour desquelles étaient assis sous des tentes des femmes et des hommes revêtus de leurs plus beaux habits. « C'est sans doute la noce de l'un des vassaux de votre frère, » dit Kiliac. « Je pense que tu as deviné juste et que le baron aura permis aux invités de venir se divertir dans ses allées, comme il le faisait souvent autrefois. Mais tiens, pour m'en assurer, je vais le demander à cet aveugle qui est là-bas monté sur ce petit tertre et qui, sans aucun auditeur, s'épuise à chanter de lamentables complaintes. » En disant ces mots, la fontenelle fit avancer son cheval et se trouva en face d'un vieil octogénaire à la figure vénérable dont la barbe blanche et touffue descendait jusqu'à sa poitrine. Sans prêter attention au bruit que faisaient les cavaliers en s'approchant, le vieillard continua de chanter d'une voix forte et retentissante. En considérant attentivement le chanteur, la fontenelle et Kiliac le reconnurent sur le champ. Car qui, a dit lieu à la ronde, ne connaissait pas le vieil Hervéic, l'aveugle, que l'on rencontrait à toutes les foires et à toutes les assemblées, vendant et chantant des chansons bretonnes dont la plupart avaient été composées par lui? Depuis environ 9 ans que la fontenelle ne l'avait pas revu, le vieux barde n'avait pas changé. Sa présence lui rappela les jours où, tout enfant et assistant à quelques fêtes patronales, il avait lui-même pris plaisir à faire l'aumône à Hervéic. Il se ressouvint également d'avoir alors beaucoup aimé à le voir venir à Beaumanoir et à entendre ses vieilles ballades. Eh bien, malgré le temps écoulé, l'aveugle était resté le même. Il avait toujours le même chapeau, le même habit, la même besace et le même bâton ferré, et celui qui l'assistait pouvait encore voir à ses pieds son vieux chien tenant dans sa gueule sa vieille sébile écornée. « Silence, donc !» dit la fontenelle à Hervéic en lui faisant l'aumône, « et réponds à ce que je vais te demander. Que le bon Dieu vous bénisse et vous accorde une longue vie !» s'écria l'aveugle en retirant l'argent de sa sébile et le mettant dans sa poche. « Parlez, monsieur, que nous faut-il? Voudriez-vous quelques-unes de mes chansons? Elles sont bien curieuses et bien amusantes. Voulez-vous la bataille de Coutras, ou celle de Craon, ou bien le siège d'Amiens, la prise de l'affaire ou encore l'assassinat du roi Henri III? Tenez, écoutez, je vais commencer la bataille de Coutras. » Et aussitôt le vieillard se mit à entonner les premiers vers de sa ballade. « Silence donc, vieux braillard !» interrompit la fontenelle impatientée. « Maintenant, sache-le bien, il ne s'agit pas de chanter, mais de nous dire à quel propos ont lieu ces danses dans l'avenue de Beaumanoir. « Vous n'êtes donc pas de ce pays, monsieur ?» demanda Hervéic. « Non, mais des environs, car je sais ton nom et te connais depuis longtemps. »« C'est possible, » dit tristement le barde. « Le vieil aveugle est connu de tout le monde, mais moi, je ne vois rien. » Et ne puis reconnaître les gens qu'à la voix. Hélas, depuis plus de 20 ans, j'ai perdu la vue et n'ai d'autre ami que mon vieux chien. Pourquoi donc danse-t-on ici aujourd'hui ? Demanda encore la fontenelle. Parce qu'il y a noce au château, mon bon monsieur. Noce au château du baron Amaury ? Mais oui, monsieur, fit Hervéic en souriant. Et quelle est la personne qui s'y marie ? La noble demoiselle Clara de Loquevelle, la bienfaitrice de ce canton, la mère des pauvres et des malheureux. Quoi ? Épouserait-elle le baron de Beaumanoir ? Demanda la fontenelle de plus en plus émue. Oh non, monseigneur le baron n'a pas le cœur au mariage. Il ne fait que pleurer et gémir. Il ne peut, voyez-vous, oublier les crimes de son frère la fontenelle, le brigand de la Cornouaille, comme on l'appelle partout ici. Eh, mon Dieu, qui aurait cru que cet enfant, avec lequel j'aimais tant à m'entretenir quand j'allais au château, serait devenu si terrible. Oh, je lui ai appris plus d'une complainte et plus d'une légende, mais il y a de cela bien longtemps. Et à présent, si Guéder venait à me parler, je ne sais trop si je reconnaîtrais sa voix.